Merci à toutes et tous d'être venus pour cette seconde séance. Alors, je ne ferai pas d'introduction très longue, juste le temps de remercier vivement Arthur Jatteau d'avoir accepté de venir présenter ses travaux pour cette deuxième séance. Pour le dire très rapidement, Arthur Jatteau nous a rejoint à l'Université de Lille, alors quand c'était encore Lille 1, tout juste à la rentrée de cette année. Il est donc maître de conférence en sociologie et en économie à l'Université de Lille et rattaché au laboratoire Claire C. Je n'en dis pas plus puisque ce qu'il va nous présenter concerne justement les travaux qu'il a menés dans le cadre de sa thèse. Donc, je te laisse. Ok. Bah, merci beaucoup Emilien pour cette présentation et pour cette invitation. Moi, la quantification est un domaine qui m'intéresse depuis longtemps et dont j'ai essayé de traiter dans ma thèse. Et je suis très intéressé par l'idée même d'un séminaire qui porte sur les sciences sociales de la quantification. Et en venant même, en métro là, pour venir, j'ai pensé à toute la portée de sciences sociales de la quantification. Moi qui étais habitué à employer le terme de sociologie de la quantification, et je trouve que cet élargissement, qui a été aussi celui de l'ouvrage de Florence, Janine Cassis, Isabelle Bruno et Béatrice Fischer, cet élargissement me semble très pertinent. Alors, j'ai parlé de la question de la preuve par le chiffre, de comment on fait preuve par le chiffre, et est-ce qu'on fait preuve par le chiffre, en prenant un cas particulier, qui est le cas que j'ai étudié pendant ma thèse, qui est celui des expérimentations aléatoires en économie. Alors, pas d'affolement pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas ce que sont les expérimentations aléatoires. Je vais évidemment en dire quelques mots dans une introduction assez large, assez vaste, où je vais parler de plusieurs choses avant de revenir dans ma deuxième et troisième partie, je remettrai le plan après, sur la question de la preuve elle-même. Alors, qu'est-ce que sont les expérimentations aléatoires ? Une rapide présentation. C'est une méthode quantitative d'évaluation d'impact. C'est une méthode pour évaluer l'impact de projets, l'impact de programmes. C'est souvent présenté, notamment par ses partisans, comme une méthode d'évaluation de politique publique. Il me semble que ce terme est assez injuste, j'essaierai de l'expliquer plus loin. Enfin, mais on peut dire que c'est une méthode d'évaluation de projet. Je donnerai des exemples, par exemple, enfin, je vais même en donner maintenant, des prêts dans le cadre de la microfinance. Est-ce que ça marche? Quels sont les impacts? La distribution de moustiquaires dans des pays en développement? La distribution d'uniformes gratuits auprès des écoliers dans les pays où l'uniforme est obligatoire à l'école. Ce genre de choses, en France par exemple, est-ce que la subvention au permis de conduire a des effets sur l'insertion professionnelle des jeunes? Bon, il y a beaucoup d'exemples. Hein. Le laboratoire d'Esther Duflot, dont je vais parler dans un instant, a lancé plus de 800 expérimentations aléatoires, donc ça fait beaucoup de choses. C'est une méthode qui est assez ancienne, hein, cette méthode d'expérimentation aléatoire, dont je vais donner la caractéristique méthodologique tout à l'heure. C'est une méthode qui est assez ancienne, dont les bases théoriques ont été stabilisées dès l'entre-deux-guerres. On a fait des expérimentations aléatoires en économie dès l'entre-deux-guerres. En réalité, la première, si on essaie de dater ça, c'est 1917, donc ça fait un siècle en fait qu'on utilise ça dans la sphère économique et sociale. De ce point de vue-là, il n'y a aucune innovation méthodologique de la part des économistes qui utilisent aujourd'hui des expérimentations aléatoires. C'est quelque chose qu'on fait depuis très longtemps, qui a été fait massivement aux États-Unis dans les années 60-70, années 80. C'est un peu passé de mode depuis, mais on a fait des expérimentations aléatoires de grande ampleur aux États-Unis à cette époque-là. La nouveauté, en réalité, elle est dans l'application, dans le champ d'application de cette méthode, dans le champ du développement, hein, où c'est apparu dans le champ du développement à la fin des années 90, début des années 2000. Là, on va commencer à appliquer cette méthode des expérimentations aléatoires dans les pays pauvres et on va appliquer cette méthode de plus en plus, hein, avec deux avantages notables. Le premier étant que ça coûte pas cher de les faire dans les pays en développement, en tout cas ça coûte moins cher que dans les pays occidentaux, et que les contre-pouvoirs et les codes éthiques et le cadre législatif est, on va dire, plus flexible pour mener à bien ce type d'expérimentation. Et par le biais des pays en développement, par une sorte d'effet boomerang, c'est revenu dans les pays développés, comme les États-Unis, où ça redevient à la mode, et comme la France, où on n'avait pas connu cette méthode-là, mais où on en fait depuis une quinzaine d'années. Alors, je parle d'expérimentation aléatoire, on peut aussi également entendre le terme d'évaluation par assignation aléatoire, d'évaluation contrôlée. Bon, ça recouvre une même réalité. Le terme est beaucoup plus stabilisé en anglais. On parle de RCT, Randomized Control Trial, c'est parfois de Randomized Control Experiment. mais dans tous les cas, ça parle de la même chose. Alors, qu'est-ce que c'est que cette méthode ? Elle est très simple, c'est d'ailleurs sa principale force. De manière similaire aux essais cliniques randomisés en médecine, on va tirer au sort deux groupes. On va tirer au sort un groupe qu'on va appeler le groupe de traitement, le groupe test, qui reçoit, ce groupe reçoit ce que l'on souhaite tester. Je sais tester si ça marche de distribuer des ordinateurs portables à des étudiants, si ça marche de distribuer des moustiquaires. Et un groupe, on tire au sort un autre groupe, qui est le groupe de traitement, également, qui est le groupe de contrôle, également le groupe témoin, qui lui ne reçoit rien. Et au bout d'un certain temps, on compare les deux groupes suivant des outcomes, des indicateurs, pour voir l'effet, pour voir l'impact de ce que l'on souhaite tester. Donc, c'est ni plus ni moins cette méthode, mathématiquement parlant, qu'une soustraction, c'est ce qui fait toute sa force, c'est une différence. C'est une différence entre les outcomes d'un groupe et les outcomes d'un autre groupe, avec l'idée que le tirage au sort des groupes permet de maximiser les chances qu'ils soient comparables. C'est ça, c'est tout l'enjeu de l'évaluation, c'est ce qu'on appelle le contrefactuel dans la littérature de l'évaluation, c'est de comparer ce qui est comparable. Bien sûr, si je compare les classes de CP à 12 élèves avec les classes de CP à 20 élèves, mais que les classes de CP à 12 élèves sont uniquement dans les territoires ZEP, enfin dans les écoles ZEP, bah je compare ce qui n'est pas comparable, et donc mon évaluation sera faussée. Là, avec le tirage au sort, ça se vérifie avec des lois statistiques, je maximise mes chances d'avoir des groupes comparables. Donc c'est une méthode qui est assez simple, qui repose sur le tirage au sort, et le tirage au sort assure en quelque sorte la comparabilité entre les groupes. Alors bien sûr, quand vous lisez cette littérature-là, il y a des régressions quand même qui sont faites pour faire un peu sérieux, mais au fond, il n'y a même pas besoin de régression d'un point de vue mathématique pour avec cette méthode, ce qui contraste avec l'extrême complexification de l'économétrie de ces dernières années. Alors, qui fait ces expérimentations aléatoires ? Il y a plusieurs acteurs. Il y a des acteurs privés, comme MDRC, Acta Associates, etc., qui sont des entreprises privées aux États-Unis, qui existent depuis assez longtemps. La Banque mondiale aussi, l'Agence anglaise de développement aussi, a financé des expérimentations aléatoires. L'Agence française de développement a financé des expérimentations aléatoires, mais a totalement arrêté d'en financer. On fait un retour sur expérience très critique. Le chef économiste, Gaël Giraud, est un farouche opposant aux expérimentations aléatoires, donc l'Agence française de développement n'en finance plus. Ça se fait à l'école, en France, à l'école d'économie de Paris, ça se fait aussi à Sciences Po et de l'IEF, la fédération TEL de Yannick Lorty, mais surtout il y a un acteur central qui est le GEPAL, le Poverty Action Lab, le laboratoire d'action contre la pauvreté, qui est co-dirigé par l'économiste française, franco-américaine d'ailleurs, désormais, qui se situe au MIT, le GEPAL se situe au MIT, et est donc dirigé par Esther Dufaux. Je vais dire quelques mots sur ce laboratoire qui est vraiment l'acteur central, qui est le leader, l'organisme leader de ce secteur. C'est un laboratoire qui a été créé en 2003, il y avait 4 chercheurs à sa création, il y en a un peu plus de 150 à l'heure où je vous parle, 861 expérimentations aléatoires ont été menées dans 80 pays depuis une quinzaine d'années, et le laboratoire a des bureaux, a des antennes sur chaque continent. Pour l'Europe, c'est à Paris, à l'École économique de Paris, et la particularité forte de ce laboratoire, c'est qu'il repose sur l'utilisation d'une méthode, une seule, la méthode des expérimentations aléatoires. Il n'y a pas beaucoup de laboratoires, à mon sens, dans les sciences sociales qui reposent à ce point sur une seule méthode, me semble-t-il. Ce qui en fait une particularité. Donc c'est un laboratoire qui marche très bien, avec une croissance continue depuis sa création. Alors là, oui, on voit assez bien. Vous avez une croissance permanente à la fois du nombre de profs affiliés, ce qu'on voit en bleu, du nombre de pays dans lesquels il y a des expérimentations aléatoires, et du stock d'évaluation, qui est la courbe en rouge. La courbe en vert, c'est le flux, d'ailleurs. Il y a une certaine cyclicité, c'est assez intéressant, comme s'il fallait absorber les nouvelles expérimentations lancées pendant un an ou deux avant d'en relancer significativement d'autres, mais il y en a toujours un nombre très positif qui est lancé chaque année, avec une tendance haussière très claire. Voilà un peu pour la présentation des expérimentations aléatoires et de son principal acteur. J'en viens maintenant au succès de cette méthode. Ce qui m'a poussé à m'y pencher, justement, à m'y intéresser, c'est que c'est une méthode qui a connu un franc succès. un franc succès à plusieurs niveaux. D'abord, à un niveau politique. Obama avait nommé Esther Duflo, à l'époque où il était président des États-Unis, dans un conseil chargé de l'aider pour les politiques de développement. Fioraso, à l'époque où elle était ministre de l'enseignement supérieur, a dit tout le bien qu'elle pensait d'Esther Duflo, comme l'a fait Valérie Pécresse ensuite dans le gouvernement suivant. Ce qui en dit long sur la surface politique à laquelle adhère Esther Duflo. Ça se ressent d'autant plus si on regarde les médias, la couverture médiatique d'Esther Duflo. Edouard Plenel, il y a quelques années, disait dans une émission ce soir, l'émission Ce soir ou jamais, qu'à Mediapart, ils avaient été les premiers à soutenir, à parler d'Esther Duflo, etc. En filigrane, on peut penser qu'il la voyait donc comme une économiste de gauche. Et The Economist, l'hebdomadaire très libéral britannique, a aussi encensé Esther Duflo. C'est vraiment quelqu'un qui rassemble un spectre politique et médiatique très large, beaucoup plus large qu'un Thomas Piketty, par exemple. Un succès aussi également financier. On parle d'un budget annuel d'environ 20 millions de dollars pour le GEPAL et une association jumelle un peu qui s'appelle IPA. C'est des chiffres qui sont plus ou moins difficiles à collecter, donc c'est un ordre de grandeur. Et 20 millions de dollars pour un laboratoire de recherche, je vous invite à comparer avec les dotations de vos laboratoires respectifs. Et c'est également un succès académique sur lequel je vais m'attarder un tout petit peu aujourd'hui, où il y a de nombreuses distinctions. Esther Duflo a plutôt obtenu toutes les distinctions qu'elle pouvait obtenir, à l'exception du prix Nobel, du pseudo-prix Nobel qu'elle obtiendra vraisemblablement un jour. Et de manière plus significative encore, sans doute, si je prends la médaille Clark, qu'Esther Duflo a obtenue, qui récompense le ou la meilleure jeune économiste de moins de 40 ans travaillant aux États-Unis, entre 2010 et 2015, sur 6 médailles Clark attribuées, 4 ont été à des gens qui sont aujourd'hui affiliés au GEPAL, ce qui dit l'ampleur du succès de cette méthode-là. Alors, quelques mots sur le succès académique. Donc là, j'ouvre une première parenthèse. Pour essayer d'expliquer ce succès académique, j'ai eu l'idée de faire une analyse prosopographique des chercheurs du GEPAL. À l'époque où je l'ai fait, ils étaient 131. Je pense que les résultats ne changent pas vraiment. À partir de leur CV, à partir de leur position au sein du laboratoire, mais aussi s'ils étaient éditeurs de revues, du nombre d'expérimentations aléatoires auxquelles ils ont participé, du nombre de publications. En essayant, et c'était l'hypothèse qui était la mienne, c'était de dire que l'élitisme de ce laboratoire expliquait son succès. Ce que j'entends par élitisme, il a bien fallu le traduire quantitativement, et j'ai donc créé une variable, que j'ai appelée variable d'établissement d'élite, qui regroupe en gros la Ivy League aux États-Unis, un peu plus large que la Ivy League, je pourrais préciser plus tard, et les grandes écoles en France, avec également Oxford, j'ai oublié de le mettre d'ailleurs, avec Oxford, Cambridge et la LSI en Grande-Bretagne. Ça m'a donné quelques résultats qui me semblent intéressants. 70% des chercheurs du laboratoire ont obtenu leur doctorat dans un établissement d'élite. Si on se restreint à ceux qui ont fait leurs études aux États-Unis, on atteint pratiquement 90%, alors qu'on estime que seuls 20% des doctorats aux États-Unis sont soutenus dans des établissements d'élite, si je compare des établissements de taille. De taille comparable, si je pourrais préciser. Et donc, il apparaît une surreprésentation des docteurs issus d'universités, enfin d'établissements d'élite américains au sein du laboratoire. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que cette proportion de chercheurs ayant obtenu un doctorat dans un établissement d'élite est d'autant plus élevée qu'on est jeune et qu'on est arrivé récemment au laboratoire. C'est comme si le prestige croissant du GEPAL dans le champ académique a fait qu'on a pu augmenter les barrières à l'entrée et que plus vous êtes entré récemment au laboratoire, plus vous avez de chances d'avoir un doctorat dans un établissement d'élite. Ça montre, selon moi, à la fois le pouvoir d'attraction du laboratoire, les meilleurs veulent aller au GEPAL et le GEPAL peut se permettre de sélectionner les meilleurs selon les critères académiques. Ça, c'est du côté des études, des études qui sont de haut niveau au sens de prestige. Mais ce prestige, on le retrouve également au niveau des positions professionnelles qui sont occupées par les membres du GEPAL. Il y en a la moitié qui sont dans des établissements d'élite. Et si je me restreins aux États-Unis, à la France par exemple, là où j'ai défini principalement des établissements d'élite, ça montre quasiment aux deux tiers, et vous avez près d'un tiers de ceux qui travaillent aux États-Unis qui occupent ce que j'appelle un poste sponsorisé. C'est, vous savez, les Nike professeurs, les Ford professeurs. Voilà. Vous avez, en plus d'être full professeur, vous avez une chaire qui vous est attribuée par un mécène. Donc ces quelques chiffres me semblent être des arguments en faveur de ce que j'appelle la force de l'élitisme. Le GEPAL, et qu'on regarde du côté des études ou du côté des positions professionnelles, un laboratoire d'élite. Et cet élitisme a des effets dans le champ académique de légitimation de la méthode qui est utilisée par cette élite, justement. Pour le dire simplement, si les meilleurs utilisent cette méthode, c'est peut-être bien parce que c'est la meilleure des méthodes. Enfin, c'est un peu le raisonnement qu'on peut retenir de ce succès, de l'explication que je fais là, de ce succès académique. Succès académique, succès méthodologique également, puisque pendant longtemps, ce que j'entends par longtemps ici, c'est disons une dizaine d'années, il y avait peu de contestations quant à la supériorité méthodologique de cette méthode. Si on prend les manuels d'évaluation de politique publique, j'en cite certains ici, la méthode des expérimentations aléatoires est systématiquement présentée comme l'aboutissement de toute méthode d'évaluation, comme le gold standard, le point à atteindre, et les autres, c'est on y a recours si on ne peut pas faire d'expérimentation aléatoire. C'est le cas dans les manuels, c'est le cas aussi dans des cours qui sont donnés dans des facs américaines, qui sont donnés à l'École des études de Paris. Le BEST, c'est la méthode des expérimentations aléatoires. C'est la seule qui serait à même de fournir ce qu'Abhijit Banerjee, qui est le compagnon d'Esther Duflo et le co-directeur du GEPAL, appelle de la hard evidence, la seule méthode qui serait à même de pouvoir fournir de la preuve solide. Et autrement dit, il y a l'idée qu'au fond, il y aurait sans expérimentation aléatoire, on ne prouverait rien. Enfin, c'est un peu l'idée, et on en vient à parfois avoir l'impression de reprouver des choses qui ont déjà été prouvées par ailleurs, mais qui n'ont pas été prouvées avec le fond de l'expérimentation aléatoire. C'est ce qui vaut à Mark Rush, qui est un ancien économiste de l'Institut de recherche sur le développement, ce dessin humoristique que j'ai mis au milieu de la présentation, qui illustre le fait que sans RCT, sans randomized control trial, sans expérimentation aléatoire, on ne peut rien prouver. Et donc là, il nous présente le résultat d'une expérimentation aléatoire visant à établir l'effet préventif du parachute contre l'écrasement, avec à droite un groupe de contrôle qui a sauté sans parachute et à gauche un groupe de traitement qui a sauté avec parachute. Donc voilà, on a enfin prouvé que le parachute était efficace. C'est un petit trait d'humour pour montrer que évidemment, il y a des preuves qui peuvent exister de manière totalement fiable sans avoir besoin, heureusement, de faire des expérimentations aléatoires. Néanmoins, j'ouvre une deuxième parenthèse, et ce sera la dernière, sur l'explication de ce succès méthodologique qui peut, selon moi, s'expliquer par la stabilité et l'unicité de la méthode des expérimentations aléatoires. J'en parlais avant de prendre la parole. Quelque part, l'expérimentation aléatoire par le GEPAL, c'est une marque de fabrique. C'est une marque de fabrique. Elle est faite, elle est produite, cette marque de fabrique, cette méthode-là, de manière unique et appliquée uniformément. C'est ce que j'appelle l'unique unicité de la méthode. Une méthode appliquée de manière uniforme à travers le monde, à travers ces centaines d'expérimentations aléatoires. Ce que j'ai essayé d'expliquer par une analyse de réseau faite sur 900 chercheurs qui ont participé à au moins une expérimentation aléatoire. Ce que cette analyse de réseau met en avant, c'est l'existence de leaders. Ce que j'appelle des leaders, c'est ceux qui ont des degrés de centralité élevés dans le réseau, c'est-à-dire qui connaissent beaucoup d'autres chercheurs, ils ont collaboré à beaucoup d'autres chercheurs. Ces degrés de centralité élevés souvent se doublent par des positions de pouvoir au sein du laboratoire, ce qui fait qu'il y a des acteurs tout à fait centraux, des économistes tout à fait centraux au sein du GEPAL et pas seulement dans ce réseau de co-expérimentateurs, de co-randomistes, qui permettent de tenir la méthode et de s'assurer qu'elle soit appliquée de la même manière partout, soit à travers l'existence de guides, soit parce que quand vous êtes un élément central du réseau et du laboratoire, vous pouvez faire en sorte que la méthode suive une même voie. Donc, ça, c'est juste pour montrer que le réseau, ça est très, très resserré. On ne voit pas les leaders là-dessus. Mais si je prends, par exemple, les expérimentations aléatoires qui ont été menées en Afrique, on voit que ce réseau de co-expérimentateurs, il y a en gros deux ou si on veut trois leaders qui tiennent le réseau, les deux plus importants étant Michael Kremer et Tim Kernan, qui d'ailleurs n'ont pas fait d'expérimentation aléatoire entre eux. Ça permet, ces deux figures éminentes du laboratoire, selon moi, en tout cas c'est l'hypothèse que je pose, de s'assurer que la méthode soit bien appliquée de manière tout à fait canonique. Je passe sur ce graphique-là, et j'en viens à l'existence d'une approche critique qui donc s'est développée en particulier ces cinq dernières années, hein, de manière la plus forte, à plusieurs niveaux, hein, sur les questions de causalité, notamment avec Angus Deaton, qui a obtenu le Nobel d'économie en 2015, hein, et qui est un fervent, farouche opposant aux expérimentations aléatoires. Des choses sur la validité externe, c'est ce que l'économiste Danny Roderick, hein, qui sont deux économistes de premier plan dans le champ académique aux États-Unis, ont formulé, des critiques méthodologiques, des critiques sociologiques, des critiques philosophiques aussi avec Nancy Cartwright, des critiques d'un point de vue des politiques publiques. Bon, il y a eu des critiques à plusieurs niveaux avec des choses très intéressantes, mais le parent pauvre un peu de cette critique, c'est la validité interne. Là, on distingue la validité dans le champ de l'évaluation, et pas que, on distingue la validité interne de la validité externe. La validité externe, c'est dans quelle mesure ce que j'ai prouvé dans une expérimentation aléatoire en particulier tient dans un autre contexte. Voilà, ce que j'ai prouvé au fin fond du Kenya, est-ce que ça marche en Tanzanie ou en Ouganda? Ça, c'est la validité externe. Il y a une littérature critique là-dessus. La validité interne, c'est dans quelle mesure je suis sûr que ce que je mesure, l'effet que je mesure, provient bien du traitement que j'ai testé. Pour prendre le vocabulaire indigène, et souvent, ça, c'est présenté comme étant le point fort de la méthode. Hein, cette méthode des expérimentations aléatoires serait censée justement avoir une validité interne extrêmement forte. Et évidemment, en matière d'évaluation, on cherche à avoir une validité interne forte, c'est-à-dire on cherche à être sûr que le résultat qu'on a mesure bien l'effet du traitement et pas autre chose. Bah, c'est cette validité interne que je vais questionner aujourd'hui en me demandant quelle est la qualité de la preuve produite par les expérimentations aléatoires et que vaut finalement cette validité interne. Alors, je m'interroge sur un plan théorique, mais surtout sur un plan empirique, dans une approche, je reprends l'expression de Béatrice Hibou et de Boris Samuel, dans une approche par le bas. C'est-à-dire que je vais regarder les expérimentations aléatoires j'ai regardé les expérimentations aléatoires telles qu'elles se font en pratique sur le terrain et non pas telles qu'elles sont censées se faire en théorie quand on regarde le modèle des expérimentations aléatoires pour me demander ce que prouvent en pratique les expérimentations aléatoires. Alors pour le faire, j'ai fait une revue systématique de la littérature en lisant des centaines d'expérimentations aléatoires. J'ai fait des observations de terrain, hein, je pourrais revenir sur les difficultés que j'ai eu à ce sujet à la fin, et surtout j'ai mené des entretiens, hein, ce qui a été extrêmement fructueux pour moi, avec différents acteurs du champ des expérimentations aléatoires, des économistes, mais aussi des assistants de recherche, sachant que dans la pratique, les expérimentations aléatoires sont pensées, sont designées, hein, pour reprendre une nouvelle fois le vocabulaire indigène, par des économistes qui sont basés en Europe de l'Ouest ou aux États-Unis tout le temps, et ils sont appliqués sur le terrain par des assistants de recherche qui sont généralement des étudiants occidentaux de niveau master qui vont aller sur le terrain dans les pays, généralement dans les pays en développement, qui vont être chargés de recruter une équipe d'enquêteurs locaux, hein, d'enquêteurs de terrain locaux, pour aller distribuer des questionnaires, pour remplir les questions et distribuer les traitements. J'ai moi-même été, il y a 8 ans, assistant de recherche pour Esther Duflo et Pascaline Dupas. J'ai démissionné assez rapidement et j'ai choisi une autre voie, disons, par la suite. Mais ça m'a permis de voir certaines choses et de poser quelques premières hypothèses. Donc voilà un peu ma méthode et les questions que je vais me poser. La première chose sur laquelle je voudrais insister, c'est finalement, on ne sait pas toujours de quoi parle la preuve produite par les expérimentations aléatoires à cause d'une décontextualisation de ce que j'appelle les réalités du terrain, pour prendre un terme un peu galvaudé. La première chose, c'est que le terrain est présenté par les acteurs, hein, quels qu'ils soient, en particulier par les économistes, par les chercheurs, comme un point fort de la méthode, hein, et à juste titre à mon avis, à la différence des expériences en laboratoire, hein, des fameuses expériences en laboratoire. Là, on est sur le terrain, on n'est pas dans un laboratoire à faire des dilemmes du prisonnier au jeu. Mais ce qu'il faut bien avoir en tête ici, ce qui me semble intéressant, c'est le sens que l'on accorde au terme de terrain. Hein, le terme de terrain doit être compris dans un sens technique, hein, c'est un terrain de jeu statistique plus qu'un un terrain anthropologique, hein, ou sociologique. Et le terrain, il est là, parce qu'il faut bien qu'il soit là, d'une certaine manière, mais il ne faut pas qu'il perturbe les données. Hein, c'est un terme que j'aurais pu mettre entre guillemets, et le terrain lui-même n'est pas vu comme pourvoyeur de connaissances directes. Le terrain est vu comme un endroit où on peut récolter une base de données. Donc, le terrain est vu comme un endroit où va jaillir une base de données, et quel que soit l'endroit où on va, finalement, de toute façon, la méthode est toujours la même. Et donc, finalement, prendre en compte les particularités du terrain, c'est assez secondaire. Puisque à la fin, on a une base de données, on compare les groupes, et puis on n'en parle plus du terrain. Ce qui aboutit dans certains cas, et pas dans tous, hein, vous avez des économistes qui, parmi les économistes du GEPAC qui connaissent assez bien les terrains, parce que notamment certains comme Pascal Inchipa sont d'anciens assistants de recherche, mais de manière générale, on constate une certaine méconnaissance du terrain et méconnaissance des conditions de mise en œuvre de l'expérimentation aléatoire, du contexte. Hein, je pourrais parler de mon expérience tout à l'heure sur cette prise en compte du contexte quand j'ai été au Kenya pour le GEPAC, avec des éléments qui font sens pour les chercheurs, mais qui localement ne font pas forcément sens, notamment du point de vue du langage, du point de vue des questions qui se posent. Pour vous lire rapidement un extrait d'entretien qui porte sur une expérimentation aléatoire dans un pays africain sur des petits paysans, hein. Une assistante de recherche qui a été chargée de faire passer à travers une équipe d'enquêteurs des questionnaires lors d'un entretien m'a livré la chose suivante, et elle m'a dit: quand tu leur poses des questions sur leur chiffre d'affaires et qu'il y a deux vaches, une chèvre, tu te dis c'est vraiment un truc qui a été dessiné dans des laboratoires américains et qui n'est pas en phase avec le terrain. Il y a des fois tu es un peu écœuré, tu te dis on peut pas traduire ça en chiffres, t'en peux plus d'essayer de savoir dans quel cas ça rentre et d'unifier auprès de tes 35 enquêteurs la manière de poser la question. Est-ce que la chèvre est un capital fixe ou un stock? T'en sais rien au final. Donc voilà, il faut s'imaginer d'aller au fin fond d'un pays africain et d'aller demander à des paysans, en l'occurrence illettrés, si leur chèvre est pour eux un capital fixe ou un stock. Alors j'ai conscience que cet exemple-là est sans doute caricatural, mais qui dit des choses sur la prise en compte des réalités du terrain. Du coup, le terrain, finalement, d'une certaine manière, on peut dire que dans cette littérature-là, telle qu'elle est actuellement pratiquée, on s'en méfie. Hein. C'est comme si les particularités du terrain venaient amoindrir l'universalité de la méthode. On se méfie du terrain, on le contextualise peu, pas, avec la conséquence, et c'est là où je veux en venir, que veut dire une évaluation, une expérimentation, que veulent dire les résultats qu'on en tire si on méconnaît le contexte de la production de l'expérimentation et si on méconnaît les particularités du terrain dans lequel cette expérimentation a eu lieu. Et donc, à mon sens, ça nuance directement la validité interne d'une telle expérimentation. Alors, il n'y a pas seulement le terrain qui est plus ou moins bien connu, mais de manière peut-être plus surprenante encore, c'est mon deuxième point dans cette partie, ce qui est appelé les traitements, c'est-à-dire ce qu'on teste, ce qu'on mesure, les programmes, les projets, quand je l'ai compris, les traitements ne sont pas toujours bien connus. Hein. On ne sait pas toujours bien ce que l'on mesure en pratique, on sait bien ce que l'on mesure en théorie, mais on sait bien que dans le passage de la théorie à la pratique, il y a des ajustements, et c'est bien normal, et bien ces ajustements peuvent justement modifier ce qui était prévu comme étant, ce qui était prévu comme étant le traitement, et on s'aperçoit, en tout cas, c'est ce que m'ont confié plusieurs assistants de recherche, que certains chercheurs ne connaissent pas toujours avec précision la forme que prend le traitement qui est pourtant testé, qui est pourtant évalué avec les expérimentations aléatoires, sans compter que, d'une certaine manière, le traitement, il a sa propre vie, si je puis dire. Je prends l'exemple ici d'un traitement qui consistait à former des petits paysans à des rudiments de comptabilité, de business, de management. Pour faire cette formation auprès de ces petits paysans, on les a emmenés en car dans un hôtel de la capitale du pays, où pour un certain nombre ils n'étaient jamais allés, et pendant 3 jours, on leur a fait une formation intensive au management, à la gestion, à la comptabilité. Et l'assistant de recherche qui m'a raconté ça me raconte que quand ils sont revenus, elle a discuté avec eux, comme ça, de manière totalement informelle, en leur demandant, bah alors, qu'est-ce que vous avez pensé de cette formation? Est-ce que c'était utile? Et ils ont dit, ah bah c'était génial, l'hôtel, il était extraordinaire, et la piscine, elle était géniale. Donc, ça pose la question, c'est, pourquoi pas, mais ça pose la question de qu'est-ce qu'on mesure là? Est-ce qu'on mesure l'effet d'une formation à la micro-entreprise, au management, etc., ou est-ce qu'on mesure l'effet d'avoir été sur une formation dans un hôtel avec une piscine, etc. Bon, ça envoie des problématiques connues en sociologie, on peut penser aux effets hauteurs, ce genre de choses. Et donc se pose la question, si on méconnaît en partie le traitement, de ce qu'on évalue vraiment lorsque on mesure les effets d'un traitement qu'on connaît. Jean-Pierre-Olivier de Sardan rappelle l'importance de prendre en compte l'histoire locale en matière de développement, hein, sachant que le traitement incorpore le traitement incorpore le passé, c'est-à-dire que le traitement incorpore aussi les traitements passés. À l'époque où j'étais au Kenya, dans la ville de Busia, qui est à l'extrême ouest du Kenya, qui est l'épicentre des expérimentations aléatoires, où des dizaines d'expérimentations aléatoires ont été lancées, il y avait une blague qui circulait entre expatriés Jepak, qui disait que tout le monde autour de Busia avait dans sa case une moustiquaire, un manuel, un uniforme, donc que personne n'utilisait rien, qui nous voyait arriver à 10 000 km, qui nous connaissait par cœur. Mais cette boutade disait bien les problèmes que ça peut poser. C'est-à-dire que quand vous allez voir quelqu'un tester l'efficacité de la distribution d'une moustiquaire, mais qu'il a lui-même été vu 2 mois avant pour autre chose et 6 mois avant pour autre chose, bah, le traitement n'est peut-être pas celui que vous croyez. Et d'ailleurs, ils en sont en partie conscients au Jepal, puisque cette zone a été laissée en jachère, en fait. Tout le laboratoire a quitté cette zone parce qu'il y avait trop de biais, en fait, pour reprendre le terme indigène. Donc voilà un peu comment on peut, amener à nuancer la validité interne des expérimentations aléatoires, qui, si elle est belle sur le papier, s'en trouve, disons, limitée dans sa traduction pratique par une absence de prise en compte, justement, de ce passage de la théorie à la pratique. Et cette absence de prise en compte du passage de la théorie à la pratique, c'est également ce que je vais développer dans mon troisième point, en me demandant de quoi on fait la preuve, finalement, quand on fait une expérimentation aléatoire, sachant qu'il y a une réflexivité qui me semble assez réduite, en tout cas comparativement à ce qu'elle est traditionnellement, j'allais dire, dans d'autres sciences sociales. Le premier point, me semble-t-il, c'est une incapacité à saisir le passage de la théorie à la pratique. C'est comme si la théorie serait tellement belle, la méthode serait tellement puissante, tellement robuste, pour employer un langage d'économiste, qu'on pourrait ne pas se soucier de ce passage de la théorie à la pratique. Pourtant, il y a un certain nombre d'arrangements, hein, dans ce passage de la théorie à la pratique. Hein, Rémi Cavin, dans son travail sur les instituts de sondage, le montre bien, sur la façon de poser les questions, etc., sur tout un tas de choses. Il y a des arrangements qui sont tout à fait normaux, hein, ces arrangements, mais ce qui est plus délicat, c'est une absence relative de prise en compte de ces arrangements. Il y a l'idée que le terrain, ces arrangements, seraient un peu des ennemis de la méthode, de son universalité, et donc devraient être niés, ou en tout cas mis de côté. Et finalement, on peut se demander si les expérimentations aléatoires, qui sont des expérimentations de terrain, ne sont pas faites comme des expérimentations en laboratoire, en niant le fait qu'il y a un contexte, qu'il y a des éléments nécessairement de particularité à prendre en compte, etc. Le slide suivant est presque une insulte à votre intelligence et à votre culture, puisque je cite l'immense Alain de Rosière, convenir puis mesurer, ce qui ne vous apprendra rien du tout. Mais disons, pour le dire simplement, De Rosière ne fait pas partie de la bibliothèque idéale de l'expérimentateur aujourd'hui, en tout cas dans le courant des expérimentations aléatoires, et vous aurez compris que ça me semble être dommageable. Il y a une certaine naturalisation de ce qui est mesuré, hein, le premier terme de l'expression célèbre de Desrosières, convenir, est un peu passé sous le tapis, hein. C'est comme si on avait une si belle mesure, rendue si belle par l'usage du tirage au sort, qu'on pouvait se passer de réflexivité sur le processus de convention des différents indicateurs qui sont utilisés. Alors, je le répète pour que ce soit bien clair, hein, et qu'on ne se méprenne pas, c'est tous ces bricolages, tous ces ajustements dont je vais donner quelques exemples tout de suite, sont totalement normaux, hein, dans toute enquête de terrain, il y a des ajustements, il y a des bricolages. Hein. Mais ce qui est plus gênant, c'est que ces bricolages et ces ajustements sont tus, ou se transforment au mieux en notes de bas de page, là où en sciences sociales, la mise au jour de ces ajustements serait vue comme la scientificité justement de l'enquête. Hein. Là, ces ajustements, ces arrangements-là, justement, sont vus comme une menace à la scientificité de l'enquête. Et finalement, on peut se demander si on sait ce qui est réellement évalué et de quoi les expérimentations aléatoires font la preuve. Ce qui met directement en question la validité en termes. Je donne quelques exemples justement de ces bricolages, hein, qui ont lieu dans le passage de la théorie à la pratique. Alors, un premier bricolage qui a lieu et qui peut paraître surprenant, c'est au niveau du tirage au sort lui-même. Hein. On pourrait penser que c'est la partie la plus stabilisée, hein, qu'un tirage au sort, il n'y a pas à se questionner, mais finalement, un tirage au sort, il y aurait presque une sociologie à faire du tirage au sort. Est-ce qu'on utilise un algorithme dans SAS ou dans Stata, est-ce qu'on utilise une urne, est-ce qu'on le fait au niveau individuel, est-ce qu'on le fait au niveau groupal, hein. On peut tirer au sort de plein de façons différentes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en pratique, on s'aperçoit que la randomisation, le tirage au sort à des fins relatives, n'est pas toujours aussi rigoureuse qu'en pratique. L'exemple que je donne ici, c'est l'exemple de Miguel et Kremer, qui ont écrit un article qui est publié en 2004 dans la revue Econometrica, qui s'appelle Worms, sur les vers intestinaux. C'est un article qui est très très célèbre dans la littérature randomiste, très cité, très mis en avant. C'est un article qui est assez habile effectivement techniquement, où on teste l'efficacité de la distribution de vermifuges contre les vers intestinaux pour les petits écoliers kényans. Et en fait, ce qui est intéressant ici pour le tirage au sort, c'est que pour des raisons qui sont assez peu explicitées par les auteurs, on n'a pas pu faire de tirage au sort sur ordinateur, on n'a pas pu faire de tirage au sort au niveau de l'urne, il a fallu prendre la liste des écoles classées par ordre alphabétique et mettre les écoles A dans tel groupe, les écoles B dans tel groupe, les écoles A dans tel groupe, etc. C'est ce qu'ils appellent une alphabétisation, ce qui est très très proche d'une randomisation, mais qui n'est pas, en toute rigueur, une randomisation et qui ne correspond pas, enfin ne colle pas aux lois statistiques, aux lois des grands nombres, qui sous-tendent cette méthode-là. Et dans un papier de Brunet et McKenzie, qui sont aussi eux-mêmes des praticiens de la méthode de l'expérimentation aléatoire, ils montrent que les randomistes, hein, les économistes qui pratiquent la randomisation, ne sont pas d'accord entre eux sur la meilleure façon de tirer au sort, de randomiser, est-ce qu'on le fait au niveau individuel, est-ce qu'on le fait au niveau, par exemple, des écoles, au niveau des classes, etc. Donc, voilà, il y a tout un tas de bricolages qui ont lieu autour de ces expérimentations. De manière plus classique, on peut également parler des arrangements au niveau des questionnaires, sur le niveau de langue, hein, j'ai donné un exemple tout à l'heure, j'avais une citation, donnez-moi un signe là. Une citation qui illustre un peu ce problème au niveau du langage et de la passation des questionnaires, hein. C'est un assistant de recherche qui parle dans un entretien et il dit la vérité derrière tout ça, c'est moi ce que j'appelle une ROCT, donc pas une RCT mais une ROCT, Randomized Out of Control Trials. Parce que si tu prends la chaîne entre le chercheur, c'est-à-dire l'économiste à Harvard, et le paysan qui réagit à l'intervention, la cascade, elle est monstrueuse, personne ne comprend rien, c'est complètement out of control. Le chercheur, il me parle, c'est même pas sûr qu'il le restitue bien en anglais, que moi qui suis pas anglophone de naissance comprenne bien ce qu'il a voulu dire. Après, moi, c'est ce qu'il dit, je traduis ça à mon enquêteur de terrain, qui lui n'est pas anglophone de naissance et qui va ensuite traduire ça aux paysans sur place qui évidemment n'est pas anglophone. Donc voilà, il y a beaucoup de bruit dans le signal pour reprendre son expression. Voilà. Et là encore, qu'est-ce que valent, qu'est-ce que prouvent les réponses qui sont apportées à ces questions avec cette espèce de téléphone arabe méthodologique? Comme j'appelle ça, qu'est-ce que ça vaut au final, de quoi ça nous parle et de quoi ça fait la preuve. Dernier point avant de conclure, il me semble que les approches qualitatives, enfin il me semble, c'est vraiment, je vois mal comment on pourrait affirmer le contraire pour le coup, mais les approches qualitatives, hein, sont déconsidérées, dévalorisées, c'est d'ailleurs pas propre aux économistes qui pratiquent les expérimentations aléatoires. Mais leur dévalorisation, un effet ici qui me semble très clair, cette dévalorisation procède d'une double hiérarchie des preuves. Hein. Double hiérarchie des preuves qui est affirmée plus ou moins explicitement d'ailleurs par les randomistes, qui veut que les méthodes quantitatives sont supérieures aux méthodes qualitatives. Hein. Bon, quiconque a déjà ouvert une revue d'économie de premier plan le constatera très vite. Et à l'intérieur des méthodes quantitatives, l'expérimentation aléatoire, la randomisation, est supérieure aux autres méthodes. Donc, le chiffre produit à l'aide d'une expérimentation aléatoire ne constitue pas seulement le plus haut niveau de preuve à leurs yeux, mais est le seul qui soit pleinement scientifique. Et dès lors, je pourrais vous donner des exemples, toute autre méthode est délégitimée. Hein. Je renvoie à la caricature tout à l'heure, ce qui n'a pas été montré à l'aide d'une expérimentation aléatoire, finalement n'a pas été montré du tout. L'économie est vue de manière relativement implicite, hein, en fait, parce qu'il y a peu d'argumentation sur cette question-là qui soit vraiment très claire. L'économie est vue comme une science expérimentale, pour reprendre le terme de deux éminents collègues économistes, Pierre Cahuc et André Zilberberg, qui ont affirmé dans un ouvrage célèbre publié en 2016 que l'économie était devenue une science expérimentale, hein, en citant des expérimentations aléatoires, en citant aussi des choses qui n'avaient rien à voir avec l'expérimentation d'ailleurs, mais l'économie serait du côté des sciences expérimentales et avec les expérimentations aléatoires basculerait définitivement, j'allais dire, du bon côté de la barrière, c'est-à-dire du côté des vraies sciences, des sciences qui sont dures, c'est-à-dire les seules sciences, les sciences expérimentales, les sciences naturelles, si on veut. Et ce basculement va avec le rejet relatif ou total du qualitatif, ou en tout cas sa marginalisation, sa dévalorisation. Hein. Moi, une fois, dans le cadre d'un entretien, j'interrogeais une économiste qui me disait que dans l'expérimentation aléatoire qu'elle faisait, le commanditaire avait voulu aussi, et là je la cite, qu'il y ait des gérontologues, des sociologues, tout ça. Et ce, tout ça à la fin, bon voilà, gérontologues, tout ça, tout ce qui, bon, c'est, bon, c'est pas trop ce que c'est, mais bon. C'est de la littérature, hein, pour reprendre un terme employé par un de mes enquêtés. La sociologie peut ajouter du verbatim, hein, là aussi c'est un terme d'un enquêté. Donc voilà un peu ce que j'avais à dire sur la question. En conclusion, rapide, deux mots. La promesse d'Esther Duflo et de Michael Kremer formulée en 2008, c'est de révolutionner les politiques publiques du 21e siècle. Il apparaît que, en s'appuyant sur les expérimentations aléatoires, il apparaît, c'est pas du tout de leur faute d'ailleurs, que cette promesse n'est pas tenue. On peut parler d'un succès académique, et je mettrai un bémol à ce que j'ai dit au début, un relatif échec méthodologique, en tout cas si j'en crois ce que j'ai développé durant cette présentation, puisque les preuves fournies par les expérimentations aléatoires telles qu'elles se font à l'heure actuelle, il pourrait en être différemment, et j'y viens si on les faisait autrement peut-être, je ne sais pas, à revoir, mais les preuves fournies par les expérimentations aléatoires telles qu'elles se font aujourd'hui ne sont pas si solides, ne sont pas si hard evidence, hein, qu'annoncées, et la validité interne me semble à nuancer, au même titre que la validité externe, c'est quelque chose de plus établi. Est-ce qu'il est possible de faire autrement? Je pense qu'on peut militer pour une reconsidération du terrain au sens, j'allais dire, originel des sciences sociales, en adoptant une posture qui soit réflexive et en invitant un refus. Je m'inscris du coup pleinement dans ce séminaire pluridisciplinaire, un refus du cloisonnement tant disciplinaire que méthodologique, en puisant dans toutes les sciences sociales et dans tout l'éventail méthodologique, notamment dans les méthodes qualitatives des sciences sociales. Alors, c'est mon dernier slide. Est-ce que d'autres expérimentations aléatoires sont souhaitables? Est-ce que d'autres expérimentations aléatoires sont possibles? Souhaitable sans doute, parce que ça fait une quinzaine d'années qu'on a fait des expérimentations aléatoires, hein, le stock d'expérimentations aléatoires disponibles est autour d'un millier, mais qu'est-ce que ça nous a appris, comment monter en généralité à partir de ces milliers d'expérimentations aléatoires? C'est quelque chose qui n'a pas trouvé de réponse évidente et claire jusqu'à maintenant à mes yeux, et je ne sais pas si c'est seulement possible. On peut aussi vouloir refuser de se laisser entraîner dans ce toute évaluation pour je renvoie à une littérature établie sur ce que le psychanalyste Roland Goury appelle la folie évaluation. Et on peut aussi simplement se demander si d'autres expérimentations aléatoires sont possibles. Hein. Les préconisations que j'ai avancées me semblent difficiles à établir dans l'état actuel du champ, hein, qui a de fortes contraintes, notamment en termes de publication, ça j'en ai pas parlé, de tournant empirique, etc. Mais on peut quand même rêver, j'allais dire, à des expérimentations aléatoires pluralistes, tant au niveau des disciplines qu'au niveau des méthodes. Voilà. Je vous remercie.